Ha! El nostro Gersa! Cadre dans la manche, un seul joker, mon cœur n'est plus étanche, je ne sais plus quoi faire. Je tente de lui faire, je tente de lui plaire, j'ai pourtant résisté à plusieurs tempêtes, et ça m'entête, mais ça m'embête. Serais-je trop bête pour elle? Je ne peux plus me passer d'elle, elle a brûlé mes ailes. Une fille comme elle, c'est belle et sensuelle, je bâtirai pour elle mille citadelles. Physiquement dangereuse, mentalement une tueuse, totalement l'opposé de tout ce qui me plaît. De trouver chez une fille, et pourtant j'ai pas envie. Incontrôlable, insupportable, car trop désirable, car c'est la femme que je veux. Reste là, ne t'éloigne pas, fais-le pour moi, il n'est pas fait pour toi. Voilà ce que j'aimerais te dire, ce que je tente de contenir. Mais tout ça me fait souffrir et ça me fera mourir. Moi je veux te voir sourire, te tourner vers l'avenir. Même si tu n'as pas vu que mon âme était perdue. Reste là, ne t'éloigne pas, fais-le pour moi, il n'est pas fait pour toi. Voilà ce que j'aimerais te dire, ce que je tente de contenir. Mais tout ça me fait souffrir et ça me fera mourir. Moi je veux te voir sourire, te tourner vers l'avenir. Même si tu n'as pas vu que mon âme était perdue. Ha! Elnoso E-L-N-O-S-O. Comment rester toute ma vie sans elle? Si j'en avais, je couperais mes ailes. Assez pathétique comme des oiseaux sans ailes. Ou moi sans ma technique, je tente de pas voir ce qui se passe avec ce connard. Laisser mon cœur vagabonder au gré de mes humeurs. Le laisser flirter, laisser l'ingénu me dire qu'elle était mue. Ou laisser l'inconnu pour qu'elle me mette à nu. Mais sans se faire allumer, aucune rancune, car pour moi il y en a qu'une. Pas besoin de thunes, car je volerai la lune pour te faire un présent et avouer mes sentiments. Quand je vois tes yeux bleus, mon cœur s'emballe, mon pouce accélère. Et là je sais que je suis amoureux. Reste là, ne t'éloigne pas, fais-le pour moi, il n'est pas fait pour toi. Voilà ce que j'aimerais te dire, ce que je tente de contenir. Mais tout ça me fait souffrir et ça me fera mourir. Moi je vois te voir sourire, te tourner dans l'avenir. Mais si tu n'as pas vu que mon âme était perdue. Reste là, ne t'éloigne pas, fais-le pour moi, il n'est pas fait pour toi. Voilà ce que j'aimerais te dire, ce que je tente de contenir. Mais tout ça me fait souffrir et ça me fera mourir. Moi je vois te voir sourire, te tourner dans l'avenir. Mais si tu n'as pas vu que mon âme était perdue.